L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Aline Roussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe ou artiste plasticienne et vous exposez une partie de votre travail du 19 mai au 13 juillet à la Maison du département à Nancy. Photographe ou artiste plasticienne ? Alors, j'ai un statut de photographe-auteur, mais je pense plutôt me définir comme artiste plasticienne au vu du futur de mon projet. Actuellement, je travaille avec le médium photographique, argentique ou numérique, mais à terme, j'aimerais faire évoluer mon projet principal, dont une partie sera exposée justement à la Maison du département. J'aimerais le faire évoluer en installation ou tout du moins en volume. On va y revenir sur l'après. Déjà, cette passion pour la photographie, cette découverte, ça a commencé au collège. Alors, j'ai découvert le tirage argentique, le travail en chambre noire au collège, en effet. Par la suite, j'ai reçu mon premier appareil photo numérique. J'ai pratiqué en fait la photo de façon classique, en amateur, en fait, jusqu'à mon âge adulte, on va dire. J'ai continué à pratiquer comme ça. Il faut savoir que j'ai fait des études d'ingénieur, suivi d'un travail de barmaid, et j'ai intégré ensuite seulement une école d'art où j'ai pu mettre en application mon expérience photo, en fait, au service d'autres choses. Un parcours atypique, alors, des écoles d'ingénieurs, pour revenir à une passion, maintenant, aujourd'hui, la photo et l'art, plus généralement. Disons que c'était l'art à la base, mais le chemin a voulu que je prenne des études plus classiques, entre guillemets, pour ensuite retourner vers ce que je voulais vraiment faire. Alors, pour parler un peu technique, parce que vous avez parlé d'argentique. Tout le monde ne sait pas forcément aujourd'hui. Hein, le numérique, c'est souvent son téléphone, la photo, et voilà. L'argentique, pour expliquer à nos auditeurs. On va parler déjà du numérique. Bon, tout le monde, là, pour le coup, voit ce que c'est. Appareil, réflexe, numérique, sur l'ordinateur, etc. Il faut savoir que j'ai un travail en numérique, un travail en argentique. L'argentique, c'est tout ce procédé avec les appareils photo, entre guillemets, anciens, où on place une pellicule, en fait, à l'intérieur. Vis-à-vis de mon travail, il faut aussi penser que argentique, ok, mais je travaille sans appareil photo. Donc, ce qui va faire que c'est de l'argentique, ça va être tout le travail en chambre noire, donc avec les procédés chimiques, en fait, qui sont spécifiques à l'argentique. Mais j'ai pas l'étape avec la pellicule, on va dire. Et ce qui nous amène justement à ce qu'on va pouvoir découvrir à la Maison du département, hein, jusqu'au 13 juillet précisément. Donc, c'est ces œuvres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre démarche ? Il y a deux sortes de travail, hein, que vous présentez. Exactement. Il y a donc ce travail en argentique, donc qui est mon projet principal, qui est foliographie, anthographie. Il n'y a pas de titre particulier, en fait, à cette série de projets. C'est plutôt la technique, entre guillemets, que j'utilise, que j'appelle foliographie, anthographie. Et il y a donc trois photos de mon travail en numérique qui, lui, portent plutôt sur le corps. Sur cette partie, donc argentique, anthographie, foliographie, la représentation de ces photos, c'est quoi ? C'est lié à la nature, je crois, un petit peu. Alors, tout à fait. Foliographie, anthographie, c'est l'écriture par les feuilles et l'écriture par les fleurs. Donc, c'est étymologiquement, en fait, donc feuilles et fleurs. Et donc, en effet, ces photos, ces foliographies en anthographie représentent donc des végétaux, des feuilles et des fleurs. Dans l'esthétique, il y a une grosse influence des estampes japonaises. Pour citer des grands maîtres de l'estampe, bon, Okusai, Hiroshige, par exemple, qui dans l'estampe japonaise en fait ce qui s'appelle des katshoga, qui sont spécifiques en fait à la représentation des fleurs et des oiseaux. Bon, il n'y a pas les oiseaux dans mes photos, ouais. Mais voilà, ça c'est l'inspiration esthétique. Avec des noms japonais, donc, pour présenter pour ces œuvres. Pour justement raccrocher voilà. Les photos à leur inspiration et que les gens puissent, par le nom de l'œuvre, aussi projeter ça déjà. Vous allez en présenter combien de ces œuvres en tout ? Il y a au total 17 ou 18 photos, sachant que dans les 17-18, il y a la micro-rétrospective sur les travaux antécédents donc de foliographie et les trois photos numériques. Il y a 7 ou 8 foliographies et anthographies. C'est la première fois que vous allez exposer ? Une partie de celle-ci a été exposée à Besançon, de ce projet-là, et mon travail numérique a été présenté plusieurs fois à Paris. Et le fait d'exposer ces œuvres et de les confronter forcément au regard d'un public, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Je pense pas de toute façon qu'il y a œuvre sans public. C'est un travail tripartite pour moi. Il y a l'œuvre, il y a la personne qui l'a créée et il y a le spectateur. Et je pense pas que l'œuvre de toute façon puisse exister sans le spectateur. Sinon, bon, bah, c'est juste une photo ou un dessin qu'on a chez soi et puis voilà quoi. Donc bah, on aura l'occasion de vous découvrir physiquement. Vous serez là aussi pour notamment une partie de l'exposition. Je serai là au vernissage le 19 mai à partir de 17h. Donc le vernissage est à partir de 17h. Et il y a des visites aussi d'organiser avec moi de l'exposition. L'exposition est accessible librement, en fait, aux horaires d'ouverture de la maison du département. Et comment c'est fait, justement, d'exposer à la maison du département ? Il faut savoir que le département, en fait, suit un certain nombre d'artistes. On a des référents qui s'occupent de nos dossiers. Et le mien m'a proposé de candidater à faire une exposition donc, à la maison du département. Donc après, il y a un petit jury, etc., donc, qui choisit les artistes qu'ils ont envie de voir exposer chez eux. Mmh. Et puis, bon, ben voilà, mon travail a été retenu et donc je peux exposer chez eux, voilà. Alors, c'est une partie de votre projet. Donc, on est des anthographies, des foliographies, des photos numériques. Mais vous nous avez dit en introduction que vous voyez faire évoluer un peu votre travail. Tout à fait. Je veux faire évoluer surtout mon travail argentique en installation ou en tout cas en volume. Je vois à peu près quelle forme ça peut prendre. Mais bon, y a du travail de recherche en amont qui doit s'effectuer. Et puis voilà, après, c'est toute une logistique, il faut le matériel, etc. Et la place aussi de le faire, parce que bon, du volume de l'installation, oui. C'est pas dans un laboratoire de 4 mètres carrés que ça fonctionne très bien. Donc c'est des projets à quel terme alors ? Comme c'est mon projet principal, ce sera de toute façon à long terme. Mais j'espère pouvoir commencer à moyen terme. Donc votre exposition est visible jusqu'au 13 juillet à la maison du département à Nancy. On peut venir à votre rencontre le 19 mai, donc à l'occasion du vernissage. Au vernissage à partir de 17h, oui. Et pour découvrir également votre travail, bien sûr, vous avez un site internet. Tout à fait. Mon site internet, donc c'est alineroussel.com. Et il y a également mon compte Instagram, c'est roussel_aline pour le principal et le compte Instagram dédié aux foliographies et anthographies qui s'appelle tout simplement foliographie avec un S. Et je vous laisse le dernier mot pour les auditeurs, pour leur donner envie de venir découvrir votre travail. J'espère avoir éveillé la curiosité par peut-être la typicité du projet, aussi par le fait que ce soit des choses simples que je montre, mais d'une manière peut-être un peu particulière. Si les auditeurs veulent une idée de ce que je fais, bon, en effet, il y a le site et mon compte Instagram, donc qui peuvent donner une première idée Donc éveiller la curiosité et puis je suis là pour répondre à toutes les questions qui peuvent se poser parce que c'est pas forcément évident non plus de comprendre. Voilà, au-delà du site internet et de ce qui est visible, le mieux c'est de venir à votre rencontre et de voir votre travail. Merci beaucoup Aline Roussel. Merci à vous. Et pour rappel, notez que l'exposition d'Aline Roussel est visible jusqu'au 13 juillet à la maison du département du territoire Grand Nancy. C'est 67 rue Émile Bertin à Nancy. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.